Bon, pour en finir avec ces considérations à la générale, je voudrais dire surtout que ce genre d'enquête, bon, j'ai dit que ce n'était pas exclusif d'autres types d'enquêtes et qu'il n'y avait pas de hiérarchie, mais je voudrais dire surtout maintenant que ces enquêtes ne se suffisent en aucune façon à elles-mêmes. Elles ne peuvent pas être un but en elles-mêmes. Je veux dire par là que il faut bien voir quel type d'information apportent ces enquêtes. J'ai dit que le discours oral est information, car il donne une représentation de la culture, des faits culturels par les membres d'une communauté, mais ce n'est qu'une représentation. C'est déjà énorme, mais il ne faudrait pas considérer qu'à partir de là, on a la vérité entière sur cette culture ou sur cet ensemble culturel. On a une représentation, un ensemble de représentations. Et ce qui est capital, évidemment, c'est de pouvoir confronter ce genre de documents, après les avoir analysés, après les avoir soumis à la critique, après les avoir soumis à la critique, ce qui est capital, c'est de confronter ces documents avec d'autres documents, d'autres sources d'informations, avec les documents écrits, par exemple, que l'on peut avoir, avec l'observation, bon, l'observation participante des ethnologues, par exemple, avec ce que apprend une observation que j'appellerais externe, c'est-à-dire qui n'a pas la même démarche, qui consiste à essayer de relever le plus objectivement possible et le plus sérieusement possible, en tout cas, à relever tel usage, telle pratique, tel fait, à l'aide de questionnaires appropriés ou à l'aide d'autres types d'observations, etc. Donc, je crois que finalement, et c'est ce que nous avons voulu dire surtout dans ce livre, que une connaissance véritable des faits de culture populaire dans une région, eh bien, ne peut être obtenue que s'il y a une convergence entre cette vision interne, qui est celle des ethnotextes, et l'observation externe, qui peut être faite par différentes sources, ces sources dont je viens de parler. Et c'est en confrontant humblement ces types d'informations et en essayant donc d'obtenir ces convergences que l'on peut arriver à une vision, enfin à une connaissance plus sérieuse, plus approfondie des faits de culture.